niquer la rupture entre toi et nous. Tu ressens notre puissance quand on met des coups. Chris, il est temps de montrer à tous ces jaloux que la Black Castle n'est pas là pour faire joujou. Tu bois, tu fumes, tu craques depuis qu'on a vu le jour. Tu te rends compte que de notre niveau tu es en dessous. Tu penses dominer le monde mais t'es juste dans ma cour. Tu veux la couronne, non c'est pas ton tour. Tu as le tour, ni depuis que Melo est là. Et ta lionne collée, le ozone est là. Toujours la tête sur les épaules comme Nico Anelka. Fier de ma patrie, RDC comme Patrice Lumumba. T'as voulu vénère Lando, t'as grindé Mbata. T'as voulu vénère Melo, t'es tombé du toit. T'as voulu prendre de l'héroïne, tant pis pour toi. T'as voulu faire le héros, bah sauve l'Africa. Hein? On rentre au Jex, on rentre à CST et ça fait. On rentre au Jex, on rentre au PSM et ça fait. C'est la Black C qui sonne dans vos oreilles et ça fait. Sans faire le mec, pour ça vous n'êtes pas prêt et ça fait. On est vénère, hein, Black est fier. Voilà pour te plaire, hein, c'est la guerre. On est vénère, hein, Black est fier. Voilà pour te plaire, hein, c'est la guerre. Frappe fort, j'ai des candas. Une rage noire comme Bokassa. J'te termine, tu peux casser. J'te la peste, ramène un Red Bull, mets ce vodka. Me parle pas, t'as pas de mental. Sans épreuve, y'a pas de mental. J'ai le mental, mais pas de menton. J'avance au pas comme un alligator. J'suis avec Marlon, pas des rapports. Avec Melo, les amis d'accord. Une balle dans la tête, une balle dans le corps. On verra si t'as peur de la mort. Dans les collègues, dans les clips, ils ont des katanas. Dans les stabs, ils ont des bandanas. C'était la pina colada. Mais quand c'est la guerre, ça va charabia. Quand tu rentres dans les bifs, t'as pris une décision pour changer. T'as pris ton bif, t'es tellement loin. Tu me fixes comme si j'avais changé. Mais quand tu seras endetté, c'est pas moi qu'il faudra regarder. L'État nous manipule. Et toi ta crème comme Mayuma. On rentre au Jex, on rentre à CST et ça fait. On rentre au Jex, on rentre au PSM et ça fait. C'est la Black C qui sonne dans vos oreilles et ça fait. Sans faire le mec, pour ça vous n'êtes pas prêt et ça fait. On est vénère, hein, Black est fier. Voilà pour te plaire, hein, c'est la guerre. On est vénère, hein, Black est fier. Voilà pour te plaire, hein, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre.